La version du disque, la version définitive, Beat the Drum, oui, souvenez-vous, vous avez pu l'écouter il y a de ça 4 mois en avant-première sur Progapart. C'est la version donc du CD qui vient de sortir de Palace, Beat the Drum, le titre de l'album. Olivier, tu veux réagir là-dessus? Ah voilà, moi c'est un album que... que j'adore de bout en bout. C'est vrai que c'est vraiment une des bonnes surprises de ce début d'année. On l'a attendu longtemps. Hein, on l'a attendu très longtemps. 13 ans. Hein. Ouais, comme je disais tout à l'heure. J'ai même rencontré des gens qui connaissent IQ, Pendragon, Marillion et tous ces groupes et qui m'ont dit Palace, qu'est-ce que c'est ça, Palace? Ils ne connaissaient pas. Eh non, ils ne connaissaient pas parce que bon, ils sont venus après, quoi. Et donc. Ils étaient passés à côté. C'est vrai que The Wedge datait de 1986. Bon, il est ressorti en version CD ensuite en 1992 ou 93. Et sur un petit label, hein, donc. Oui, sur le label de Max Nobby, entre autres. C'était pas toujours facile à trouver. Non, mais enfin bon, moi j'ai trouvé facilement, même dans ma contrée lointaine, à Saint-Etienne. Donc je pense que sur Lyon c'était assez facile à trouver. Et c'est vrai que depuis cette époque-là, on attendait cet album avec vraiment une grande impatience. En plus, il est très long. On est gâtés, il y en a vraiment pour son argent, comme on dit, et tous les titres sont assez différents les uns des autres. Il y a des morceaux plus longs, plus courts. Il y a deux superbes ballades, dont une que tu as passée tout à l'heure. Et... Ouais. Avec des cornemuses écossaises à la fin. Ouais. C'est vraiment un très bon album. Et un qui sera peut-être de mon best-of de l'année 99. Ah oui, certainement. Sait-on jamais. Oui, certainement. Avec une oreille en couverture. Hein. Oui, une belle oreille. Voilà, oui. Une belle oreille. Olivier, quelques mots sur ton émission. Donc, on sait que c'est depuis 80. Ah bah depuis 93, depuis 93, fin 93, au 93, que bon, j'ai commencé tout seul, un peu comme toi. Bon, après, ensuite, j'ai un collègue qui m'a rejoint qui s'appelait Serge à l'époque. On était venu te voir quand tu faisais ton émission sur une autre radio sur Lyon. On va pas se terminer là-dessus. Tout à fait, oui. Et donc depuis, bon ben, Serge m'a quitté pour aller travailler en Angleterre. Oui, il est à Londres. Il est à Londres. On reçoit encore quelques nouvelles de temps en temps. Depuis un an à peu près. Ouais. Pas tout à fait. Et puis donc j'ai eu deux présentateurs qui ont suivi, dont celui qui est actuellement, qui est vraiment un passionné de progressif, qui était un de mes auditeurs au départ, qui a découvert ça par hasard. J'avais fait des petits flyers dans les bacs. On peut faire de la pub sur la radio ou pas? Si j'annonce un magasin, magasin sur Lyon. Si c'est sur Saint-Etienne, tu peux sur Lyon. C'est pareil que ceux qui sont sur Lyon, vers la place Bellecour là-bas. Donc voilà, je peux faire de la pub, ouais, mais bon, vous voyez qui je veux dire. Voilà. Et donc la c'est vrai qu'on avait, il y avait un petit bac progressif à l'époque dans ce style de magasin et il avait découvert ça par hasard. Comme quoi la publicité, ça fait, ça attire du monde, enfin un petit peu de monde. On va rester modeste. Et bah depuis 4 ans qu'il nous suit et ça fait maintenant ça fait à peu près un an et demi qu'il présente l'émission avec moi et c'est quelqu'un qui a besoin d'écouter, qui va dans ma discothèque un petit peu de temps en temps, qui m'en prenne les 10 toutes les semaines et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens encore passionnés. Bon, c'est des gens qui ont, moi c'est quelqu'un qui a plus de la trentaine, donc c'est vrai que c'est pas un petit jeune qui découvre ça, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des fidèles qui aiment ce style musical. Mais il y a des petits jeunes aussi qui viennent, hein. Faut pas dire que le progressif est une musique de vieux, hein. Moi j'ai rencontré des gens de 18 ans. Non, mais le problème, si tu veux, c'est aussi le problème pour acheter des disques. Voilà, les gens de 18 ans n'ont pas toujours les sous. Voilà, n'ont pas les moyens pour mettre 150 francs dans un CD. Et problème. D'où l'utilité des émissions comme la nôtre. Exactement. Et des magazines aussi. Exactement. Pour pouvoir faire le bon choix. Je vois un petit peu que maintenant, avec une émission de radio, on touche un public quand même. Et ça leur permet d'écouter les disques avant la sortie. Et bon, vraiment de faire le tri parmi. C'est une vraie jungle avec tout ce qui sort. C'est pas mais il y a beaucoup de choses. Il y a le bon grain de livret. Hein. Comme dans tous les styles musicaux, il y a un peu tout et n'importe quoi aussi. Hein. Donc c'est vrai. Vous avez les mêmes goûts musicaux avec ton collègue? À peu près les mêmes goûts, oui. Ouais. À peu près les mêmes. Bon, on a tous grandi avec Marillion, hein. C'est sûr que c'est un des groupes qui a marqué l'époque progressive post 80. Voilà le renouveau progressif. Le renouveau. Même si c'est pas les premiers qui ont rendu célèbre ce style musical, il y a eu 12 Night en 82. Tout à fait. Ouais. Mais bon, c'est quand même eux qui ont fait évoluer la chose. Même si maintenant, j'ai encore un petit peu les égratignés, ça leur fait du bien, j'espère que ça va leur faire prendre conscience qu'ils s'égarent un petit peu trop, les Marillion. Comment t'en as, qu'est-ce que t'en as pensé du dernier album? Parce que alors, moi, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé. Ils ont complètement perdu leur âme. Ouais, parce qu'aussi, c'est terminé. Autant sur The Splash Engine, t'avais un morceau, le morceau final qui durait 15 minutes. Qui était vraiment progressif, hein, qui avait vraiment tout ce qu'il fallait pour faire du progressif. Autant le radiation, je pense qu'ils ont dû prendre un coup de radiation, c'est le cas de le dire. Ouais, ils ont voulu trop lorgner du côté de Radiohead et c'est comme ça. Le problème, c'est que je pense qu'ils avaient trouvé un style particulier, puisqu'on disait à l'époque les gens copiaient Marillion, maintenant c'est Marillion qui copie les autres groupes. Ah, oui. Et en plus, ils savent pas le faire parce que, bon, apparemment, la production est merdique. Ça plaît à personne parce que. Bah, moi j'ai des collègues qui ont aimé. Il y a des gens qui aimaient. Des collègues qui ont aimé. Bon, moi, je sais que maintenant Marillion fait partie des groupes que je diffuse plus dans mon émission avec cet album-là, en tout cas. Autant je me régale avec les remasters qui sont sortis. avec Fish et compagnie, mais autant le dernier. Moi, tout le petit peuple progressif de Lyon a vraiment n'a pas aimé du tout cette Jusqu'à hein. Jusqu'à des réactions vraiment très violentes, très vives par rapport à ça. J'en veux aussi pour preuve aussi la presse progressive, Progression, que tu connais sûrement, le plus grand magazine de prog américain. En couverture, on voit donc le chanteur de Marillion, Steve Hogarth, et avec en grand titre dessous, Is Marillion still progressive? Est-ce que Marillion est encore progressive? Ah non, mais c'est plus du progressif. Non, mais c'est dire plus là, du progressif. Et la presse espagnole, pareil, était très, très sanglante. Marillion devrait ferait bien de changer de nom, puisqu'ils ne font plus du tout ce qu'ils ont fait autrefois. Ou changer de chanteur à ce moment-là, puisque apparemment. Ouais. Est-ce que c'est vraiment que le chanteur? Il paraît que non, justement. Il paraît qu'il y a Mark Kelly qui voulait même aller encore plus loin dans la démesure, on va dire. Et bon, je pense que Hogarth n'y est pas pour rien. De toute façon, ça fait quelques temps déjà qu'il essaye un petit peu sur chaque album de faire un petit peu des morceaux un peu bidouillés, un peu bizarres. Et autant sur This Machine Engine, bon, il n'y avait pas beaucoup de guitare électrique, c'était beaucoup acoustique. Bon, ça passait bien, on va dire. Ça passait relativement bien. Mais là, je pense qu'ils ont un petit peu pété les plombs. Il y a quatre morceaux qui sont infects, qui sont complètement infects. Le premier machin qui dure 20 secondes, là, c'est une horreur. Après, t'as le troisième morceau, il y avait une voix saturée, là, c'est une horreur. Le dernier morceau qui devrait être le plus long, qui devrait être progressif, théoriquement, ça met 5 minutes avant de démarrer. Je veux dire, il n'y a rien à sauver. Et j'espère vraiment qu'avec l'accident qu'il y a eu Pete Travis et puis le fait qu'ils ont annulé la tournée, qu'ils vont peut-être un petit peu se pencher sur leur presse musicale et faire un petit peu réagir, et puis au moins rendre le jeu de guitare de Steve Rothery, enfin son jeu de guitare si particulier, même sur l'album où il a disparu. Donc c'est vraiment dommage. Olivier, je te propose de partir dans les contrées nordiques, en Scandinavie, ou Danemark plus précisément, avec un jeune groupe qui s'intitule Etc. C'est à ne pas confondre avec un groupe canadien des années 70 qui s'appelait pareil. Là, c'est bien un jeune groupe danois. Ma foi, c'est très très bien. J'ai beaucoup aimé. Je me demande si c'est pas le deuxième disque du mois. Il y a un petit peu tout comme influence, des morceaux LP, des morceaux Camel, il y a beaucoup de brio. Tout de suite, je vous le propose donc en avant-première, puisque Marie n'aime pas le mot exclusivité. Donc Marie, en avant-première, tout de suite, etc. sur le 100.7. What you got? Nacional de España. Pues ya hemos terminado, no queda ninguna pieza, creo. ¿Queda alguna pieza? No, no, en principio... ¿Jaque? No nos preguntéis eso, que somos capaces de... de estar aquí el tiempo entero. La verdad es que ya nos queda poco de peligrosamente juntas. Os agradecemos, eso sí, el esfuerzo que habéis hecho en acercaros a estos estudios de Radio Nacional de España, Radio 3, tanto a ti, Guillermo Oca. Con Anthony Phillips. This is the live version. Bien, Olivier, à 21h15, je te propose de partir en Argentine avec Paul Le Fossoyeur, Pablo El Enterrador, un deuxième album bien attendu de ce groupe mythique argentin. Un album édité par le label brésilien Progressive Rock World Wild. Qu'on trouve pas très bien par chez nous, c'est très dommage, uniquement en VPC je crois. Est-ce que tu connais, t'as déjà un petit Absolument, peu... Non, je connais pas du tout là. Eh ben écoute, ça va découvrir être une... avec toi. Ça va être une découverte, tu vas voir, c'est très très symphonique, j'aime beaucoup. Ça rappelle un petit peu Banco, même si effectivement ces gens-là sont pas allés en Italie. Encore que quand on connaît bien l'histoire argentine, on sait qu'il y a eu une forte influence italienne, donc on peut peut-être y trouver... C'est des latins, hein. Voilà, on peut peut-être y trouver une raison. Donc tout de suite, Pablo El Enterrador, un morceau dédié à l'ami Jean-Louis. Se va hacia allá. Moi, je trouve que c'est un fossoyeur à réveiller les morts. Hein. Je pense que t'en penses. Je trouve ça superbe. Ah, c'est très mélodique, c'est très très enlevé, très symphonique. On a envie un petit peu de. Et tout est comme ça. L'album. Presque danser. Il y a des morceaux comme ça très symphoniques. Sinon, il y a quelques ballades aussi romantiques, mélancoliques, qui sont très très belles, qui très souvent commencent par du piano. Oh. Et ah, oh, dit-il, I am cracking. Olivier, je te propose maintenant de partir en Autriche avec Matter of Taste, le premier album par ce musicien de studio. Ce claviériste avait déçu parce qu'il y avait du beau monde, en tout cas des musiciens, peut-être du, pas des gens connus, mais en tout cas des musiciens talentueux. Mais on avait trouvé ça un petit peu sans saveur, un peu FM, pas assez audacieux. Là, le bonhomme a mis le paquet, ça décolle un peu mieux, ça reste encore du hard mélodique, FM, etc. Mais c'est très très bien foutu. Ah ben on va voir, on fait tour du monde ce soir avec toi. Ah, toujours, on essaye toujours de se balader, histoire de montrer ceux qui le croient pas, mais je pense qu'il n'y en a plus tellement, que le progressif est international. Bon, on cherche encore des groupes d'Afrique noire, mais on va peut-être en trouver. Pas encore. Ces quatre. Tout de suite, donc, deuxième album de Matter of Taste. Je vous dis le titre de cet album, Jack of Spades, et j'en ai fini. Je vous laisse tout de suite avec cet Autrichien de Vienne. Thank you.